Donc, on parle dans certains cas de thérapie ciblée. On le fait souvent. Un médicament, une fois qu'il est avalé, il est pris en charge, il est distribué, et bien il va se retrouver au contact de certains types de récepteurs. D'accord ? Et on ne peut parler d'action, de réponse ou de pharmacodynamie que si un médicament se fixe sur un récepteur. Quand on parlera de récepteur, parce qu'un médicament, quand il est distribué, il se fixe sur une protéine. Même le récepteur est une protéine. Mais il y a des protéines de transport, il y a des protéines de stockage, mais il y a des protéines d'effet. Et on ne peut dire qu'une telle protéine est appelée récepteur que si elle est dotée d'une activité. Ça, c'est un cours à part dans le programme après avoir vu nous. C'est ce qu'on appelle la réponse dose-activité. Un médicament va entraîner des effets. Généralement, vous connaissez tous le terme effet secondaire. Pourquoi ? C'est par rapport à quel effet ? C'est les effets thérapeutiques. Tout ce qui n'est pas primaire devient secondaire. Mais dans les effets secondaires, vous ne pouvez pas oublier le vidal, le prospectus d'un médicament, vous allez noter, sans voir qu'il y a des effets thérapeutiques, il y a des effets secondaires. Il n'y a aucun médicament qui n'a pas de médicament. Mais dans les effets secondaires, vous allez voir dans le cours, c'est qu'il y a des effets secondaires qu'on peut supporter, qu'on peut attendre, qu'on peut prévoir, qu'on appelle les effets secondaires attendus. Il y a des effets secondaires qu'on n'attend pas, inopinés, mais peuvent arriver de façon fortuite. Généralement, on peut les classer comme des effets secondaires type allergie. On appelle les allergies aux médicaments. Ça, c'est une particularité. Et on terminera cette trimestre de le cours après avoir vu. C'est que quand on met une AMM, une autorisation de mise sur le marché, un médicament mis sur le marché, il suit des phases d'études. Les premières phases sont réalisées sur des animaux, et puis on extrapole les essais dans des essais cliniques chez des malades. Mais ce sont des essais qui sont ce qu'on appelle randomisés, on les suit chez un groupe de malades particuliers. On parle de phase d'essai clinique. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Et toutes ces phases sont placées dans un cours particulier qu'on appellera la pharmacovigilance. Voilà, grossièrement, le programme, partie 1 de pharmacologie. Tout ce qui se rapporte, j'appelle ça moi plutôt la pharmacologie fondamentale, tout ce qui se rapporte aux médicaments. Vous verrez que si vous maîtrisez bien cette partie, ce sera beaucoup plus simple quand vous aurez affaire à une nouvelle molécule. Voilà, quand vous aurez à lire sur Internet l'intérêt des molécules, vous n'êtes pas obligé de prendre une molécule commercialisée, c'est de comprendre à travers quel type de données faire votre propre idée sur une prescription ou sur un accident thérapeutique. Pourquoi ? Parce que vous verrez très souvent que beaucoup d'étrangers, vos émigrés, ramènent certains médicaments qui sont pas commercialisés, mais souvent, ils sont donc des sujets traités par des médecins. Sinon, c'est un sujet âgé qui vit en France, même s'il y a un ingénieur, qui vient pendant les vacances, il est traité par les classes, il fait un état de choc, il arrive aux urgences, vous attendez les urgences, qu'est-ce que vous prenez ? Il va vous citer un certain nombre de médicaments que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes obligé de vous référer à des données sur les médicaments. Donc, que ce soit générique ou pas, on va retenir quelles sont ces données qui seraient fondamentalement très importantes pour vous à analyser. Avant de commencer le cours, ça c'est dans le cadre du programme. Le conseil que je vous donne, que j'ai toujours donné aux étudiants, c'est que quand on traite un malade, chaque malade a ses particularités. L'ordonnance doit être personnalisée, même si vous devez traiter une angine. D'accord ? Là, on a tendance, très souvent, à faire du copier-coller. De un dos, une angine, un oxygène, une montarène, le phénèque, avec un schéma qui se répète tout le temps, sans protester que vous avez diagnostiqué. C'est vrai, c'est une angine. Mais est-ce que vous avez fait attention au terrain, ce qu'on appelle, vous verrez, au terrain sous-jacent, la particularité de votre malade? Est-ce qu'il ne présente pas une tare? Est-ce qu'il n'a pas pris trop souvent et trop longtemps la même molécule? Est-ce qu'il n'a pas des antécédents particuliers familiaux, tels que les antécédents génétiques? Ça, on ne fait pas très souvent ce type de questions. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On aboutit à un échec thérapeutique. Et on traite pendant 5 jours, surtout je parle d'antibiotiques. On fait une antibiothérapie de 5 jours et on ne voit pas que la fièvre. Or, quand on fait une antibiothérapie, après 3 jours, si le traitement est bon, vous avez la courbe thermique qui régresse. Ou à la rigueur qui devient stable. Elle ne fait pas ce qu'on appelle des dents de scie. Ça, c'est mauvais, c'est un échec thérapeutique. On ne peut pas donner à tort et à travers pour un enfant qui fait une petite crise d'asthme allergique et on le bourre de corticoïdes. Pourquoi ? C'est vrai. Les corticoïdes sont des puissants anti-inflammatoires. Mais vous n'avez rien corrigé. Vous avez pallié à la crise sans toutefois traiter. Et vous allez voir que la corticothérapie pose très souvent des problèmes énormes. Et très souvent, il est préférable d'utiliser une molécule certes qui vous rapportera de bons résultats que de choisir une macromolécule ou une molécule puissante qui vous traitera pendant 3 jours et 2 mois après le malade va revenir vous voir. Surtout ce que j'appelle les populations vulnérables. Quelles sont pour vous les populations quand je parle de populations vulnérables en thérapeutique? C'est quoi la population? Une population vulnérable. Les enfants de bas âge. Les personnes âgées, et la femme enceinte. Ça, c'est les 3 particularités. C'est les extrêmes, c'est l'âge, jeune enfant, bas âge, sujet âgé et la femme enceinte. Sur le plan thérapeutique, je reviens avant de débuter le cours et avant de vous raconter la même anecdote qu'un prof m'a raconté quand j'étais étudiant, mais qu'il reste une vérité avec un grand V. J'ai dit que l'ordonnance doit être personnalisée et que souvent, chez nous, d'accord, vous avez affaire à des malades qui sont, je ne dirais pas psychopathes, mais ce qu'on appelle hypochondriaques. Vous savez ce que c'est un hypochondriaque ? Oui. Un coueur. D'accord ? C'est-à-dire que s'il a déjà ce mot, c'est un arbre en pantalon. D'accord ? Et vous avez les extrêmes. Il y a des gens qui s'en foutent éperdument. Un diabétique, si vous avez dans la famille un diabétique, un père ou un grand-père, on va être couché la guinée sur tout. Classique la réponse. Moutouahda. Ou la ichou kadna ashtana. Etc. Ou la moutchibane. Voilà. Allez-y, vous pouvez. Ce malade. Donc, votre rôle. Vous pouvez être un très bon thérapeute, plutôt un très bon clinicien. C'est-à-dire que vous avez diagnostiqué la maladie. Maîtrisez bien votre signaux et toute votre pathologie. Mais pour choisir le bon médicament, ça va être difficile. Donc, deuxième étape, vous pouvez être un très bon thérapeute, choisir la bonne molécule. Mais n'oubliez pas que vous ne jouez pas seul en thérapie. Vous avez en face de vous votre malade. Le traitement se fait en 2 et le troisième élément, c'est l'environnement. Beaucoup de malades viennent pas pour être réellement traités, mais pour avoir un réconfort. de malade connaissez-vous qui rentre dans un cabinet médical et sort sans ordonnance? À quel pourcentage? Vous êtes gentil. On va dire pour ne pas être désagréable, on va dire 1%. On ne va pas tirer sur les ambulances. Alors, on va dire 1%. Pourquoi? Beaucoup de malades adorent, quand ils rentrent chez le médecin, la pneumonie d'ordonnance, la conversion. Pourquoi? Pourquoi? C'est psychique. Très bien, merci beaucoup, c'est psychique. Parce qu'il faudrait démontrer qu'il est malade. Parce que tu as une boulot skin. Oui. Il faudrait faire attention. On nous a dit que moi, bien mot, avant, après, ou à pas voir. Bon, là, je ne sais pas quoi. Il faudrait qu'il y ait une équipe pour que tout le monde prenne un peu en charge. Alors qu'il n'a pas besoin. Souvent, je vous donne un exemple, deux exemples de pathologie chronique qui existent, c'est l'hypertension et le diabète. Il suffit parfois de faire un régime adapté sans pour autant prendre des médicaments. Un régime hypo-sodé, pour l'hypertendu, d'accord ? Et un régime, il ne faut pas qu'il mange, qu'on devient un autre truc. Hein ? Faire des hypertendus, donc là, il est plus cher. Alors, c'est ça que le facteur provient, cholestérol, et tout ce qu'il y a. Le diabétique, la même chose. Il suffit qu'il fasse un régime, un bouche et bouche. Bon, ça, c'est qu'on est trop strict ce langage. T'as ne pas manger. Il faut manger de façon. Parce que ce que le malade ne veut pas entendre, c'est la négation. C'est comme un enfant. Regardez, parmi vous, le contraire. La bouche, la, le fait qu'elle ne meurt pas. Dès qu'on dit non, ça devient un plaisir. Parce que tout ce qui est négatif devient quelque chose par curiosité. On va le chercher. Et ça, c'est non, si je t'écoute, mais tu peux faire un bon repas, mais tu viens, il marche. Le lendemain, d'accord ? Évite ton beaucoup d'eau. Essaie de transpirer. Il y a des petites démarches qui permettent aux malades, d'accord, aux diabétiques, beaucoup d'erreurs. En effet, c'est-à-dire de demander à un diabétique d'avoir une glycémie à 1 gramme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un être humain, c'est pas quelque chose que vous allez programmer. Non, ça plus à avoir le gramme. Non, il peut faire ça en jouant sur une hémoglobine glycée. On peut jouer également, il peut y avoir des pics tensionnels sans arriver à 15, chez un sujet, maintenant, chez un sujet qui est à 70 ans, 65 ans, 15 de tension, 15-8 est normal. Quand elle est 14 ou 13, ça c'est faux. Il faut revenir à une réalité, c'est pas un sujet sain sur lequel vous exigez une hypertension de 12 ou 13. C'est un malade, d'accord ? À ce moment-là, il faudrait lui faire avaler la pilule, mais une pilule psychologique. C'est plus des médicaments. Il peut toutefois éviter d'avoir des grands accidents dans le cas d'hypertension et du diabète, tels qu'une atteinte oculaire, telle qu'une atteinte rénale, telle qu'une atteinte vasculaire. Donc, il faudrait lui faire comprendre voilà le risque, plutôt que mettre la lèvre. C'est ça ce qui est important. Donc, il faudrait, quand vous aurez à prescrire, c'est apporter le côté psychologique. Il faut en faire un peu de psycho. Ça, c'est votre rôle. C'est, le rôle, c'est pas de diagnostiquer et prendre une ordonnance et la remplir et la donner. Je ne pense pas qu'on vous a enseigné, qu'on vous enseignera ce mode. Il faudrait qu'il y ait une relation, entre parenthèses, intime entre vous et le malade. Si votre malade ne croit pas en vous, mais un mishbik, il rouge, ويجي خارج يقول لك ماهوش طبيب. Vous pouvez le donner en bateau au tartino 8 médicaments et ce jour-là vous serez trouvé. Non, vous pouvez lui dire dans tel un médicament et vous serez un bon médecin. D'accord ? Le côté psychologique est important pour croire ou ne pas croire. Je vais vous donner deux exemples qui sont connus sur le plan social. Si vous vous amusez, si vous vous amusez à la voir un groupe d'amis, puis je vais se là, oh, je ne sais pas. Je vais expliquer. Si on lui répète ça, pendant 2-3 jours, elle sera malade. Vous allez voir quand vous vous ferez les pathologies en cours. Et on va vous définir certains signes. Et ben, la dernière fois, j'ai eu le même truc en canadienne. Est-ce que c'est pas ça? Je dois indirectement vous extrapoler certains signes. Vous, déjà, je ne parle pas du malade qui ne connaît rien. Le malade, chez nous, écoute. J'ai le jar, j'ai le tragique de bébé, j'ai je ne sais pas qui. Ou ben, hein, voilà, de fil en aiguille, on discute. Qu'il n'y a qu'un truc qui rouge. Il rouge où avec le malade. Le moral théo. Vous êtes à l'hôpital en stage? Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes parti voir un malade à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Qui trouve tu pour le malade? Où est-ce qu'il y a? Attendez, la première image que vous voyez, si vous faites attention, essayez d'apprendre ce qu'il y a, la première image qui vous attire. Hein? Le malade est triste. Ah, dis-moi, vas-y, moi je t'ai. Hein? Mais il y a pas de gaz, chouka. Regarde, regarde, t'as pas couvert le terrain. Je suis lié à eux. Les parents, d'un écran de travail. Oui, très bien. Ils parlent de tout, sinon des choses autres. Ils disent, oh là, c'est là, c'est là, c'est là. Quand on a vu ça, c'est quoi, c'est là, c'est là. Moral, il y a pas de moins 15. Moi j'ai vu des parents de malades se faire photographier en réanimation, cher malade, intubé sur Khdem. C'est machiavélique. C'est vraiment, c'est pas logique d'aller prendre des photos. Ah, mais c'est bon. Puis comment ça se retrouve? Ça, c'est une bonne photo à prendre. Vous pensez que ce malade, comment tout ça se retrouve? Quoi? Il est en train de prendre un billet, aller sans retour. Parce que vous lui avez fait des réservations. Ça, c'est votre rôle, même quand vous serez interne ou même externe, d'apporter le maximum de confort au malade. L'histoire que je voulais vous raconter avant de commencer le cours, le côté psychologique, on a mis deux personnes avec un caractère diamétralement opposé. واحد فيلو تسكتها فيلو مبرد فيلو مبرد واحد également qui est hypochondriaque des dira il peut pas mettre une cravate, il peut pas mettre une chemise, tu vois des meneurs. Voilà deux extrêmes, on les a mis dans une même chambre. On les a mis dans une même chambre où il y a une porte et une fenêtre. Le frileux, il y a fait le tard parce qu'il me reste. La route des décrets, il y a le tard. Ils ont passé une partie de la nuit. L'hypochondriaque avait marre. Il en avait marre, il m'aube. Il a se battu en haut. Fatlam, il a se battu. Ouf. J'ai cassé la vitre, il y a de l'air qui rentre, donc c'est bien. Le frileux, Zaj Kassar, il y a un courant d'air, il a la dent. Il se réveille le matin, il regarde autour d'eux, Zaj, normal, il a cassé le miroir de la commode. Conclusion, il s'est mis en tête que la fenêtre était cassé, donc il y a de l'air qui rentre. Et il a accepté ça, il a dormi. L'autre s'est dit qu'il y a des courants d'air sans courant d'air, sauf qu'il y avait des courants d'air là-dedans, et il a mal dormi. La leçon de morale, c'est que dans la thérapie, on accepte ou on n'accepte pas. Il y a même des malades, surtout les malades, de gros malades en cancérologie. Il y a des malades qui acceptent leur pathologie. Et vous allez voir qu'ils se battent mieux. Et ils guérissent mieux que quelqu'un qui n'accepte pas sa maladie. Même si elle est la plus simple. Quand on n'accepte pas, déjà sa maladie, on n'accepte pas son traitement, on ne fait pas confiance au médecin, deux points, échec thérapeutique. Et là donc, pour vous, ce n'est pas d'être un bon clinicien, vous le serez, Inch'Allah. Vous allez maîtriser votre thérapeutique, oui, mais si vous avez un mauvais contact avec votre malade, vous pouvez multiplier 1 million par zéro, ça donnera un zéro. On est bien d'accord ? Sur le plan donc, du cours d'aujourd'hui, comment se déroule mon cours ? Je ne parle pas des autres cours. Mon cours est un cours semi-magistral. D'accord ? Il y a des choses que je dicte, il y a des choses que j'explique beaucoup plus. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'assister au cours, mais moi je ne suis pas obligé de dicter. Il y a des choses que vous verrez les jours d'examen qui seront discutées en cours. Je ne vais pas m'amuser à me dire que nous avons une dictée jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous ne verrez pas avec moi. Donc il y a des choses. Si vous ne comprenez pas des choses, regarde, monsieur, temps mort. On reprend, je suis là pour ça. Mais je ne suis pas là pour faire des dictées. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Ça me semble clair. Je vous parle maintenant de l'éducation. Un médicament, avant de commencer dans une unité, j'explique. Un médicament a une carte d'identité, comme un nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, la même chose. Un médicament comporte quoi ? Quand vous prenez un flacon de médicament ou là, un prospectus, vous constatez quoi ? Il pense à quelque chose comme composition. D'accord ? C'est ça. Et ils mettent un certain nombre de noms et vers la fin, ils mettent QSP. Pour faire des bêtises, pour faire un gramme. QSP, c'est quantité suffisante pour. Quantité suffisante pour faire un gramme. Pour faire un gramme. Pour donner au médicament une certaine forme. N'écrivez pas, s'il vous plaît. Il y a des choses que vous dites. Il demande d'abord d'écouter, de comprendre. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a la première, on met, il y a IL et Z, parfois il n'y a que deux. Et on vous met ça en milligramme, en milligramme, etc. Généralement, ce qui nous intéresse, c'est toujours le premier. C'est la première molécule. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle PA, principe actif. Un médicament est composé de principes actifs, actifs. C'est-à-dire que c'est la molécule qui serait responsable de la thérapeutique. C'est la molécule active qui est donnée dans un intérêt thérapeutique. Les autres sont appelés comment ? Les excipients. Les excipients donnent une forme au médicament, permettent au médicament d'être formulé, d'être fabriqué, sauf il faudrait faire attention, un excipient est inerte. La molécule initiale est active. Les excipients ne sont pas dotés l'inactivité sont inertes. L'ensemble donne un médicament. Ce médicament, quand le nom qui est là, est appelé DCI. La DCI, s'il vous plaît, arrêtez. Vous adorez écrire. Quand la grande poste, il y a les lettres. Vous allez leur rendre service. Rénal, je vous demande d'être très attentif. La dictée, je vous la donnerai. Tabarak. DCI, dénomination commune, dénomination commune internationale. C'est-à-dire, ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure, quelqu'un qui arrive des urgences, parce qu'on a un Chinois, travailleur, ou là les Malaisiens, ou là les Italiens, il est... il arrive pour une bronchite, il est traité, hein, il est lieu d'avoir du médicament, et bien essayez de voir seulement que le médicament soit fabriqué en Algérie ou là aux États-Unis, il doit comporter, c'est dit, la même dénomination commune internationale. L'aspirine, qu'elles sont appelées aspégiques, aspro ou autre, ou tu vois, acide acétyl salicylique. Acide acétyl salicylique, c'est la DCI. Quel que soit, ça, c'est un nom qui ne doit pas changer, quel que soit le fabricant du médicament. Par contre, ce qui va changer dans la boîte du médicament, pas dans sa composition, il y a le NC, le nom commercial. Le nom commercial change. D'accord ? Tout dépend de celui qui le fabrique. Mais dans le nom commercial, il y a deux éléments que vous devez retenir. Il y a le princeps et il y a le générique. La différence qu'il y a entre les deux, le princeps, c'est celui qui a innové et fabriqué le médicament. C'est la première fois, la personne, quand elle le fabrique, donc elle lui donne un nom, il est sous la couverture et la responsabilité du fabricant. Personne n'a le droit de fabriquer ce médicament après un certain délai. Tout dépend de l'importance. Ça peut être de 6 ans jusqu'à 20 ans. Il est le seul à commercialiser son produit. Il a ce qu'on appelle le brevet. D'accord ? Au-delà d'un délai, de ce délai, n'importe quelle boîte peut avoir la formule et fabriquer ce médicament. Mais, on appelle à ce moment-là, on n'appelle plus le princeps, on l'appelle un générique. Un générique doit être activement, sur le plan de composition, sur le plan de formulation, sur le plan du principal, il doit être identique, on appelle ça bioéquivalent. Il doit être bioéquivalent au princeps. La différence, c'est qu'il soit ou qu'il est fabriqué par une autre boîte. Autre que Sandoz, Pfizer ou autre. Vous avez fait par Sandal. D'accord ? C'est un générique. Maintenant, la question souvent que vous posez, ou là qu'on vous posera un jour, par curiosité. Ah, Anan Hawoust à France. C'est un générique. Et souvent, on a tendance à dire pourquoi le générique n'est pas comme le principe. Il doit être bioéquivalent, il doit être efficace. Mais pourquoi on dit ça ? Pourquoi ? Non, écoutez-moi ce que je dis. J'ai dit qu'un générique doit être une photocopie. Photocopie, c'est la même dose, c'est la même composition, c'est les mêmes excipients, c'est la même forme. Tout ce qui peut changer peut-être, il peut changer si c'est des gélules. La cholédérum rose ou la cholédérum bleu. Couleur. C'est identique. Pourquoi on a en tête toujours cette idée de dire que c'est pas bon ? Est-ce que c'est vrai ? Les deux réponses, je les accepte. Celui qui a dit oui me dit pourquoi. Celui qui a dit non me dit pourquoi. Oui, Fontaine. Écoutez, avant que vous répondiez, je voudrais que le cours soit interactif, qu'il n'y a pas de réponse idiote, il n'y a pas de question idiote. Vous dites ce que vous pensez, c'est votre logique. Mais on continue à avancer, au moins on se corrige. Fontaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de temps différent? Je ne sais rien, mais... À votre avis, qu'est-ce qui peut différer? C'est la même chose, mais... Hein? Non. Il a donné, ça doit être un mordu de des consoles. Hein? Maintenant, si maintenant, vous prenez la console japonaise, la console chinoise, si elle est bio-équivalente, Elle doit répondre aux mêmes critères que la fabrication japonaise. Elle doit être identique. Si elle n'est pas, pourquoi? Maintenant, on revient à la troisième définition du médicament. Je vous ai parlé d'un médicament contrefait. C'est plus un générique. Le contrefait n'est plus un générique. C'est pas faux. Très bien. Voilà, vous touchez du doigt. Quand vous prenez pour les gens qui sont partis en France, d'accord ? Goûtez de la coca en France. Oui. Goûtez-la ici. Pourquoi c'est pas la même chose ? C'est de la coca. Et que c'est la même. Normalement, on doit répondre aux critères de la boîte. Vous prenez, je vous donne une idée, allez-y à Alger. Prenez de la coca à Alger. Et vous prenez de la coca à Constantine. C'est pas le même goût. Je vous rassure. Pourquoi ? C'est la même formule. C'est la même formule. Qu'est-ce qui change ? C'est-à-dire ? Très bien, la qualité de l'eau, la qualité du sucre. C'est tout. C'est pas le processus de fabrication. La même chose pour un générique, même pour les consoles. Si vous fabriquez avec des processeurs qui ne sont pas, c'est le même. Mais pas aussi puissant, pas aussi rapide, vous n'aurez pas la même réponse. Quand on utilise un générique, au lieu d'utiliser un principe actif, parce que les gens qui l'ont fabriqué et qui ont mis, avant d'avoir, que j'appelle par la suite, l'AMM, d'avoir l'autorisation de l'Organisation Mondiale de la Santé, quand ils ont donné ce médicament, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé des molécules pures pour faire des essais. Donc, ils ont répondu aux critères maxima de pureté. Mais c'est lui qui fabrique la matière première négivore. La Chine. D'accord. C'était la démonstration, la Chine. Bientôt, on va être chinois aussi. Les fabrications chinoises. D'accord. Et là, tout ce qui est, c'est la qualité. Celui qui se rapproche des bons critères de pureté, aussi bien du principe actif et des excipients, et bien vous aurez une molécule bio-équivalente. Mais si vous avez, au lieu d'utiliser un principe actif à 96% de pureté, vous utilisez un principe actif à 80% de pureté, vous avez 20% de perte. Si vous calculez dans la dose journalière, si les 34 fois, 20 fois 4, qu'est-ce que vous avez perdu? Vous avez perdu presque 80 mg. Donc sur le plan de réponse, vous n'avez pas à avoir une bonne réponse. Pour cela, il est exigé. Je vous donne un autre exemple. Dans le traitement de la maladie de Parkinson, on donne de la L-DOPA. C'est un dérivé donc de la dopamine. C'est un précurseur de la dopamine. Or, on a constaté, quand on dose le principe actif, il est bon. On dose. Sauf, on ne ramène pas la L-DOPA. On ne ramène pas la forme d'égogir, la forme d'extrogir, qui n'est pas active. Mais quand on dose la dopa. Mais quand on voit sur le plan racémique, ce n'est pas la bonne. On a 50% de forme L et 50% de forme D. Et automatiquement, on a des échecs thérapeutiques que vous ne pouvez pas connaître parce que vous êtes parti sur le principe qu'il y a une posologie, une dose, une clinique. Mais vous n'êtes pas censé savoir que dans le médicament, il y a la forme L ou la forme D. D'accord ? Etc, etc. Donc, on est obligé. Donc, ça, c'est un générique. Un générique doit être conforme. les photocopies conformes aux principes, à la molécule d'origine. Maintenant, c'est au fabricant de se plier pour dire que ma molécule est bio-équivalente. Bio-équivalente biologiquement sur le plan de réponse, sur le plan de fabrication à la molécule d'origine. Alors que les contrefaçons, c'est encore pire. La molécule contrefaite, vous pouvez mettre un autre principe qui est similaire, soit des excipients, c'est des excipients les moins chers, qui vont rendre la molécule totalement inactive. Vous allez me dire, monsieur, mais si l'excipient, même si c'est des excipients différents, ils sont inertes, ils ne vont pas déranger, mais ça va changer. Je vous ai donné l'exemple du coca. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, vous allez avoir un goût désagréable. On est bien d'accord. La même chose pour les excipients. Si l'excipient n'est pas de bonne qualité, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous allez l'absorber, il va, sur le plan de cinétique, il va modifier la cinétique. Il ne va pas modifier la réponse. La réponse est sur les récepteurs. Mais il va modifier la cinétique. Et il va faire tout pour que le médicament soit éliminé rapidement, d'accord? Comme si c'était, je m'excuse du terme, un purgatif, comme si vous avez pris un médicament pour la constipation, qui favorise les diarrhées. Le principe actif va être éliminé rapidement, et en même temps, il va entraîner le principe actif. Soit il va le dégrader rapidement, etc., de telle sorte que la quantité de principe actif soit très faible et de ce fait, inefficace. Un médicament qui est fabriqué. Le princeps doit, quand vous prenez une molécule, princeps dans les boîtes, les anciennes boîtes ou dans les boîtes des grandes firmes, il y a ce qu'on appelle un numéro de la boîte. Le numéro de l'eau, tout AMM, autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché est donnée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est elle qui, après les essais, les essais cliniques, autorise la commercialisation du médicament. Donc c'est une instance internationale. Par contre, le générique, c'est différent. Quand il est fabriqué, c'est plus l'OMS qui donne, on donne ce qu'on appelle une CLV, un certificat de libre vente. Et ça, c'est le ministère de la Santé du pays qui délivre l'autorisation de la mise en vente d'un générique. Voilà la différence entre un princeps et un générique. Un médicament contrefait, il trouve le CAVA. Il a l'autorisation de personne. Sauf de celui, les dakhlés. C'est clair? On est d'accord sur les médicaments et sur ce qui se comporte. Donc, vous mettez. En titre, notion sur les médicaments. Notion. Notion avec S. Il y a plusieurs notions. N-O-T-I-O-N-S. Notion sur le médicament. On dit qu'un médicament, un médicament est composé de plusieurs molécules. Un médicament est composé de plusieurs molécules dont une est appelée principe actif. Merci. Donc une, il n'y a qu'une. Parfois, il est rare de trouver dans un médicament deux principes actifs. Ça existe maintenant. Par exemple, dans le traitement de la tuberculose, ce sont des médicaments combinés où il y a trois. D'accord ? Là, ça, c'est autre chose. Là, donc, de la Amma, on passera au Khassa. Donc, est composé de plusieurs molécules dont une est appelée principe actif. Donc, une est appelée un principe actif et les autres appelés. Et les autres appelés excipient. Les autres sont appelés excipients. Ces derniers, c'est pas beaucoup excipients, ces derniers sont inertes. Ces derniers sont inertes. Ces derniers, c'est-à-dire les excipients sont inertes et permettent de donner une certaine forme aux médicaments. On parlera de princeps. Quand le médicament a été innové, c'est-à-dire créé. Quand le médicament a été innové par la boîte pharmaceutique mère. Par la boîte pharmaceutique mère, au-delà d'un certain délai, formulé par d'autres boîtes, et on parlera de générique. Un générique doit avoir la même formule, la même composition, la même formule. Et le même effet que la molécule d'origine. Même formule, même composition, même effet que la molécule d'origine, deux fois bioéquivalent. Deux fois, on appelle ça une bioéquivalence. Bioéquivalent. Notez que, autre notion, un médicament. Un médicament dispose. Un médicament dispose. D'une DCI, une dénomination commune internationale. Dispose d'une dénomination commune internationale, par parenthèse DCI. Unique. D'une DCI unique. Mais d'un nom commercial variable selon le pays d'origine. Alors, commercial. Commercial variable selon le pays d'origine. Il est fabriqué en Chine, en Inde ou en Algérie. Il ne doit pas importer. Des noms qui sont différents. D'accord ? C'est les grandes notions. Oui. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas. Je vous arrête tout de suite pour. Quand vous dites créer, c'est plus un générique. Ça, c'est une formulation, c'est un principe. Si vous copiez, c'est un générique. Si la même molécule est déjà sur le marché, c'est plus un principe. Non, vous pouvez, j'ai dit, un pays, une boîte pharmaceutique peut acheter le brevet, le fabriquer, d'accord ? Il n'est plus sous le commandement de Sandoz, au-delà d'un délai. Elle peut le fabriquer, d'accord ? Ou là, acheter le dossier. On va le fabrique, sauf que l'autorisation doit émaner du ministère de la Santé, du pays. Pas de la France ou là, de Tchad ou l'autre. Local, d'accord ? On l'a fabriqué, on doit le contrôler ici, valider et avoir une autorisation du ministère. Est-ce que, jusqu'à présent, c'est clair ? Toutes les notions, un peu, je dirais, basales sur le médicament. Vous allez voir, par la suite, que les médicaments, on les classe. Si vous ouvrez le Vidal, si vous avez un Vidal qui a plus de 10 ans, chaque fois que vous prenez la molécule, vous allez voir dans le Vidal c'est quoi ? Les premières notions, c'est la composition. On met les propriétés. L'idée, c'est un anti, machin, volé, grossièrement. On introduit les indications thérapeutiques. D'accord ? Traiter toutes les pathologies. Par la suite, il y a les effets secondaires. Avant de l'indication. Les effets secondaires sont toujours avec les effets thérapeutiques. Par la suite, il y a, avant les contre-indications, il y a la posologie. On va le donner, on va donner les indications, il doit être donné tant de milligrammes par jour, pour ça, je vais vous donner des exemples. Par la suite, il y a les contre-indications, et vers la fin, souvent, il y a le prix. D'accord ? Mais il y a des fois en gras. Faites attention, vous ne verrez pas, mais on lit entre les lignes. Avant, il y a 10 ans, les médicaments étaient classés sous forme de tableau. On l'appelait le tableau A, le tableau B et le tableau C. On les a classés. Comment on les a classés ? Comment on parle ? Maintenant, les nouveaux Vidal, il n'y a pas de tableau. On parle de liste. Il y a liste 1 et liste 2. Et il y a une classe particulière qu'on appelle le stupéfiant. Les stupéfiants. La morphine est un stupéfiant donné comme étant un analgésique central pour soulager les fortes douleurs, surtout en oncologie. La morphine est considérée comme étant une drogue. D'accord ? Mais c'est la paquette qui a d'autres mots pour les. D'accord ? Il faut faire attention entre la morphine et l'exomine. L'exomine n'est pas une drogue en bon sens de comprendre. D'accord ? Elle a des effets secondaires, mais ce n'est pas la structure. On va y revenir plus tard. Donc il y a une classification. On va voir pourquoi on a classé les médicaments. Quels sont les intérêts et quels sont les intérêts d'une classification thérapeutique. D'accord ? Ça, c'est indispensable. Vous verrez également dans le médicament, ça va vous servir. C'est des gros dégâts. Rien à temps, c'est demi-mal parce qu'il n'y a pas de contrôle, mais souvent il y a des gros. On ne fait pas attention, même pour les molécules, c'est plus simple. C'est qu'on met en bas, c'est des petites indications, c'est des molécules qui sont interdites, proscrites par le CE. CIO, le Comité international olympique. Pourquoi? Surtout pour les gens qui sont. Or, parce que ce sont des molécules qui sont considérées comme étant dopantes. Et les dopants, c'est juste qu'ils font un peu papier, physiologie, natation là. Si on est contre positif, c'est quand il y a eu des années pour l'histoire, la salle CIF, aux États-Unis, il a eu sa médaille, ça lui a retenu sa médaille, parce qu'il a été considéré, il a eu un rire, il a pris tout simplement UMEX. UMEX, c'est l'éphédrine. Et l'éphédrine est une molécule qui est considérée dopante. C'est un stimulant. Et automatiquement, on a retiré sa médaille à cause de sa mort. Nous étions obligés de faire attention. De même, là, c'était, on n'est pas un pays de médailles. Mais vous pouvez tomber sur un cas. Au lab, vous serez des médecins dans le domaine du sport. Donc, il vaut mieux en parler aujourd'hui, mieux que demain. Donc, c'est des indications qui sont importantes entre la liste. Pourquoi? Parce que la liste vous oblige à des peines pénales devant la justice s'il y a une erreur, alors que l'histoire des molécules dopantes, vous n'êtes pas responsable, mais ce sera l'athlète qui va payer. Alors, les éléments auxquels vous allez faire attention. En voyant dans une ordonnance, avant de reprendre la deuxième partie, dans l'ordonnance, quels sont les critères qu'il y a dans une ordonnance? Il y a l'établissement. Donc s'il y a dans le public, si c'est dans un public, il y a l'établissement. C'est un centre hospitalier, c'est un centre hospitalier universitaire, c'est un EHS, c'est. Si c'est un privé, c'est le nom, la spécialité, c'est-à-dire les caractéristiques du prescripteur. Son adresse, son téléphone, etc. Ombain. Hein? Service, non. C'est soit, c'est truc. Si c'est dans le public, il n'y a pas le service, c'est le cachet qui fait quoi? Si c'est une clinique ou un privé, il met pédiatrie, hein? C'est un spécialiste en pédiatrie, en gynécologie ou autre chose, en neurologie, etc. Avant la date. Le nom, le prénom et l'âge. On va dire la date. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, l'ordonnance est finie. Qu'est-ce qu'il y a après? Quelle est l'ordonnance? Bonjour. Très bien. Le médicament ou les médicaments. Donc il y a le nom. On va appeler ça spécialité. Ils mettent le nom du médicament à côté. Hein? La dose. Z, à côté. Très bien. Il y a la posologie. Il y a une différence entre dose et posologie. Il y a une différence entre la dose et la posologie. Pardon? La posologie, qu'est-ce qu'elle a? Le nom, c'est une fréquence. La posologie peut porter un autre nom. Elle peut porter un autre nom. C'est une dose à côté? Très bien, merci beaucoup. C'est une dose journalière. La dose d'un médicament, et vous allez voir, elle est fixe. Vous prenez de l'aspirine à 500 mg. Vous prenez de la pénicilline à 1 g. Vous prenez du paracétamol à 500. Ça, c'est la dose. C'est la dose de quoi? Pas de médicament, je veux plus. Du principe actif. C'est la dose de principe actif. C'est-à-dire que dans une unité, vous avez 500 mg. Si vous prenez de l'insuline, ils vous mettent 50 unités, c'est-à-dire que dans 1 ml, vous avez 50 unités d'insuline. C'est la dose. La dose est fixe. La posologie est variable. Elle est variable en fonction de quoi? L'âge, le sexe, le poids, la pathologie, etc. Elle est variable, d'accord? C'est ce qu'on appelle une dose journalière. Quelle est la nécessité pour un malade donné, selon son âge, selon son sexe, etc., selon sa pathologie, est-ce qu'on doit lui donner la même dose journalière ou pas? Est-ce qu'on a le droit de donner la même dose journalière pour un enfant qu'un adulte? Non. Donc elle est variable. D'accord? Number digital. Il a le nom, la spécialité, sa dose. On va via la posologie. À côté de la posologie. Vous avez dit ? Le nom. Le nombre de potes définit quoi ? La durée. Très bien, la durée du traitement. C'est très important. C'est elle qui définit la durée de traitement. Vous mettez des injections, vous mettez numéro 8, ça veut dire qu'il doit prendre 8 injections que le traitement de 8 jours. On donne un traitement à long cours, pour le traitement d'HTA ou de diabète, vous mettez une accolade, traitement de 3 mois. On définit la durée de traitement. Mais dans la posologie, il y a une particularité, laquelle ? Vous, qu'est-ce que vous mettez ? Non, rappelez-moi un exemple de posologie. À celle de la souris à table. 3 comprimés par jour. Point. 2 jours après. Très bien. 3 comprimés par jour. Est-ce que c'est la même signification ? Non. Non. Ça va la même que journalière. Est-ce que ça a la même signification ? Non. Hein ? C'est-à-dire ? Hein ? C'est la même chose. Très bien. Quand on met 3 comprimés par jour, on peut prendre les 3 comprimés dans une seule prise. Vous avez la même dose. Un comprimé, 3 fois par jour, c'est différent. Prenez un au matin, un à midi, et un à 18h. C'est différent. Et il y a une répartition. Vous pouvez mettre 4 comprimés par jour, ou la 2 comprimés 2 fois par jour, ou la 1 comprimé 4 fois par jour, ça n'a pas la même sur le plan de posologie et de répartition. Ça n'a rien à voir. Donc il faudrait la définir. Elle n'est pas complète. Le camarade a répondu tout à l'heure. Elle est complète ? Non. Qu'est-ce qui manque ? Non. Les horaires, c'est-à-dire prendre avant, après, pendant les repas. Et vous allez apprendre que quand vous prenez un médicament pendant les repas, alors qu'il ne doit pas être pris pendant les repas, parce qu'il doit être pris un quart d'heure ou une demi-heure avant le repas ou après le repas, vous risquez d'avoir un échec thérapeutique. Le chapeau, c'est ça, le chapeau avant, le chapeau après. Il faut que le chapeau, c'est ça. Pourquoi d'après vous, je vous demande de faire appel à votre intelligence et à votre logique. Faut pas faire, ça ne demande pas que vous soyez clinicien ou là des pharmacologues, mais la logique. Un médicament qui est censé ne pas être pris pendant les repas. Il faut le prendre une demi-heure avant les repas. Au milieu des repas, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Aucune action, je suis là. C'est vrai que j'ai deux oreilles, je ne peux pas écouter 50. Blafem. C'est-à-dire que le fait de le prendre avec les repas, son absorption sera meilleure. Non, pas vraiment. S'il vous plaît, évitez-moi normal. Normal, car. C'est-à-dire qu'un Bolivien vous l'a dit, il a dit juste tout-même. Je vous fais un jeu, il vous dit normal, matage normal. D'accord ? Rien qui est normal. Donc vous dites, vous répondez, matage normal. Hein ? Mal. Une mal absorption. Mal. Mais le problème, pourquoi ? Allège ? Non ? Vous pensez que si le médicament a été pris, c'est pas faux ce que vous dites, non, mais d'après vous, si le médicament a été pris seul, il aurait été mieux absorbé que dans l'estomac. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Le C'est logique, merci. J'ai entendu le mot-clé. Les... Très bien, les enzymes. Il y a une digestion. Le médicament va subir quoi? Une dégradation. Tout simplement. Le médicament, et vous allez avoir une perte. Ce n'est pas un problème d'absorption. C'est un problème de perte du médicament. Vont subir, parce qu'il y a une hypersécrétion qui est sucre, qui va faire que le médicament va être un peu plus dégradé. Et au lieu d'avoir une biodisponibilité qui sera de 70%, vous aurez une biodisponibilité qui va vers 40%. Donc on aura des pertes. Certains médicaments, on le donne souvent. Là, on a toujours tendance à avoir, peut-être pas pour vous, vous êtes encore jeune, mais quand on a de l'acidité, quand on a de l'acidité, souvent, certains, dès qu'ils commencent, dès qu'ils prennent, de l'acide, un antiacide, ils retournent juste après, on a le malox. Et chaque juste après. Si tu comprends, ça ne sert à rien. C'est pas faux, hein. Il faut le prendre après. Parce que avant, dès que vous allez commencer, il ne va pas faire son effet. Vous allez prendre, il y aura de l'acidité. Ce qui va un peu tamponner, c'est le bol alimentaire. Il va tamponner l'acidité. Même bien, le problème qui se pose chez des malades qui ont un peu une hyperactivité gastrique. Donc, c'est, l'estomac va se vider, mais l'acidité va persister. Donc, on prend, à ce moment-là, on prend un antiacide. On tamponne quand l'estomac est plus ou moins vide. Je ne vais pas tamponner alors que l'estomac est plein. Je vais prendre une gorgée avec... Vous savez, le pH de l'estomac, il est à combien? Hein? Je fais le pH 4. Oh, il dit, donc la vente, une vente aux enchères, qui dit mieux? 6 et 7. Putain, je dis que la babar. Votre camarade vient avec 6 et 7. Le pH est à 2. Si vous prenez de l'acidité, si on pompe l'acidité de l'estomac et que vous mettez votre doigt, il va être brûlé. Je remonte sur Hanouk, il va être brûlé. À l'intérieur, c'est protégé par le mucus et par les prostaglandines qu'on va voir. L'acidité est forte, elle est très forte. C'est pour cela que les gens qui font ce qu'on appelle des reflux, c'est pour ça, et on demande à ce que les gens, quand ils dorment, les gens qui ont de dormir en décubitus, c'est-à-dire de dormir la tête élevée. S'ils dorment la tête trop rabattue, et qu'il y a de l'acidité qui remonte, elle peut leur donner un œdème de la glotte, qui peut les étouffer. Et ça brûle. Et si ça passe dans le poumon, c'est encore plus grave. Ça peut donner une crise pseudo-asthmatique. L'acidité est très forte. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas tamponner pendant, parce que l'acidité est forte. Alors il est préférable de tamponner quand l'estomac est plus ou moins vide. Il y a également d'autres problèmes. Certains médicaments sont pris après les repas. On a dit qu'il faudrait les prendre 45 minutes ou là, une heure après les repas. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Non, ce n'est pas une question de composition de médicaments. Question de physiologie. 45, très bien, c'est lié à la digestion. Qu'est-ce qui se passe 45 minutes, une heure après? Hein? Très bien, il y a la vidange gastrique. Et c'est pour éviter à ce que le médicament ne reste pas dans l'estomac parce qu'il est à résorption intestinale. Tout simplement, on le met en même temps que la vidange parce que son absorption souffra. Parce que s'il reste trop longtemps dans l'estomac, il va y avoir des pertes. Tout simplement. Donc on le met en même temps que la vidange gastrique, etc. Ça, on va les voir au fur et à mesure. Je vous expliquer que l'indication est dit qu'il faudrait qu'il soit pris avant, pendant et après. Pour beaucoup de classes thérapeutiques, c'est très, très important. D'accord? Et beaucoup de malades aboutissent à des échecs thérapeutiques parce qu'ils ne prennent pas acte, surtout dans la thérapie en cardiologie. Certains médicaments, comme la digoxine, vont être pris à des heures précises. Au-delà, ça va donner plus d'effets secondaires. Et c'est, on a des médicaments, le système nerveux central. Pour les dépressifs, le fait de les prendre décalés va donner, vous allez décaler les petits médicaments avec le cycle du sommeil. Et au lieu de dormir, ça va l'exciter. Et le malade sera plutôt en état d'agitation qu'en état de dépression. Voilà ce que je tenais à vous dire concernant donc le prochain cours, la classification. Merci. Là, on dit dans la forme.